Champions. Bonsoir. Bonsoir chers auditeurs de Radio Galère, bienvenue pour ce nouvel épisode de débattons dans Guirou. Vous êtes sur 88.4, nous sommes lundi soir 21h46 et nous démarrons cet épisode que nous allons intituler, je crois, d'un commun accord hors-jeu. Le hors-jeu est une notion bien complexe du football depuis la nuit des temps. Et je propose au docteur Lehmann, présent ce soir, de nous en expliquer le principe. Et oui, bonsoir chères auditrices, chers auditeurs. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel opus. Ah bien, je vais m'y coller, d'accord. Merci Manuel pour cette première saillie. Donc le hors-jeu, c'est assez simple en réalité. C'est un dispositif qui empêche en réalité un attaquant d'une équipe de se trouver trop près du but, c'est-à-dire pour pas qu'il y ait d'attaquants qui traînent. Donc pour ce faire, on a mis en place une ligne imaginaire qui passe par le dernier défenseur et aucun attaquant n'a le droit de se trouver derrière cette ligne au moment où un de ses coéquipiers lui fait une passe. Je crois que j'ai été clair. Alors on ne vous entend plus du tout, mon cher Manuel, vous êtes tout d'un coup parti très très loin de nous. Ah mais voilà, peut-être que vous m'entendez mieux maintenant. Oui, j'allais vous présenter, coach. C'est l'inconvénient du direct. Pour vous poser la même question, est-ce que vous avez quelque chose à dire au docteur, quelque chose à compléter un peu sa définition du hors-jeu footballistique ? Alors non, enfin c'est juste une règle en fait qui est finalement quand même assez récente, qui n'est pas une des règles originales du jeu du football, qui doit dater, je pense, de l'entre-deux-guerres. À l'époque où il y avait sûrement plus d'attaquants sur le terrain dans les équipes que de défenseurs. Alors il y a juste une petite précision par rapport à ce qu'a dit mon collègue, puisque j'aime beaucoup le contrarier, ça fait partie de notre couple. Je pense, mon cher, que vous allez parler des deux défenseurs, puisque le gardien fait partie des défenseurs, effectivement. En fait, des deux derniers joueurs adverses, puisque ce ne sont pas forcément des défenseurs, et il y a notamment, oui, c'est les deux derniers, puisque assez souvent il y a le goal, en fait, qui est compris dans les deux, mais le goal peut très bien ne pas être présent. Auquel cas, il faudrait un second défenseur pour qu'il n'y ait pas... Un second adversaire, en tout cas, puisque ça peut très bien être un attaquant qui se serait trompé de but. Je crois qu'on a été particulièrement clair sur cette notion de hors-jeu footballistique. Si nous avons décidé, à la rédaction des bâtons d'Anguirou, consacrer cette émission au hors-jeu... Je voudrais juste rajouter un truc, c'est l'arbitre qui décide du hors-jeu. C'est-à-dire un joueur peut très bien être hors-jeu, mais s'il n'est pas signalé comme tel, il n'est pas considéré comme hors-jeu. C'est-à-dire que le hors-jeu, finalement, revient quand même à une intervention humaine, aussi, dans sa décision. On peut rajouter que c'est très souvent à la discrétion tout de même des juges de touche qui signalent ce fait de jeu à l'arbitre, généralement en levant leur drapeau. Est-ce que c'est possible d'enchaîner, du coup, de continuer cette émission ? On a décidé, donc, le dispositif des bâtons d'Anguirou d'intituler cette émission « Hors-jeu », puisque nous avons sous la main un invité prestigieux. Ça fait vraiment des années et des années qu'on souhaite l'avoir dans cette émission du lundi. Il s'agit de Gilles Desplanques. Bonsoir, Gilles Desplanques. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Vous pratiquez vous-même le football le lundi après-midi avec les copains, et là, il n'y a pas de hors-jeu. Jamais, non. Jamais. Non, jamais. Il n'y a pas d'arbitre, ça. C'est vrai que ceci explique peut-être cela. Donc c'est un arrangement entre collègues, on va dire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des défenseurs ? De temps en temps. De temps en temps, très peu, je crois avoir... Oui, et la ligne n'est pas très claire entre la défense et l'attaque. Il faut bien le faire remarquer. Alors Gilles Desplanques, si vous êtes là ce soir, ce n'est pas en qualité d'artiste, puisque tel est votre métier. Peut-être que d'ailleurs le coach pourra nous parler un petit peu de la pratique artistique de Gilles Desplanques un peu plus tard dans l'émission. Mais vous êtes là parce que vous êtes spécialiste marseillais du nouveau jeu produit, je crois, mais en tout cas vous allez nous dire de manière très précise ce qu'il en est, par la chaîne Arte, ou du moins le média Arte. Un jeu qui s'appelle Hors-jeu, qui est un jeu de cartes auquel on peut jouer tout un chacun en ligne. Alors oui, c'est ça, et ça, en fait c'est un petit peu, je pense que ça part de nos panini d'enfance, donc de ces albums qu'on aimait compléter. Et c'est vraiment un nouveau format, parce que c'est une sorte de, entre enquête d'investigation, jeu en ligne, documentaire aussi. Et donc le principe, enfin donc je vais quand même, donc c'est produit par Arte et c'est le fruit de deux collaborateurs, un réalisateur interactif qui s'appelle David Dufresne et un journaliste suisse, Patrick Oberli, qui est notamment co-auteur de Comment la mafia truque le foot. Et donc on va le comprendre à travers ce journaliste, c'est que c'est quand même l'idée, c'est quand même d'aller chercher un petit peu les dessous, les histoires cachées, les barbouzes, les agents véreux qui se cachent derrière la sphère du foot. Pas que, hein, y a aussi plein de personnalités attachantes et on verra ça un petit peu au fil de l'émission. J'aimerais aussi parler de David Dufresne parce qu'il est, en fait, il est assez, il aime ses principes de mélanger les genres. Il avait déjà co-réalisé Prison Valley. Alors, je ne sais pas si certains connaissent, mais c'était déjà en fait un documentaire interactif qui parlait des prisons dans le Colorado. Il y a 13 prisons dans une seule ville, dans un seul comté. Et à partir de ce phénomène un peu exceptionnel américain, ils sont partis en vadrouille et faire un documentaire. Et après, il y avait vraiment une interaction, c'est-à-dire que c'était vraiment un jeu en ligne. Et tout un chacun, il y avait un forum, tout un chacun pouvait intervenir. Il y avait les agents sur place qui avaient été interviewés, qui répondaient aux personnes dans le forum. Donc voilà, donc juste pour l'historique. Et là, pour revenir à ce qui nous intéresse, à hors-jeu. Donc le principe, on va l'expliquer quand même. S'il vous plaît, oui, ce serait pas mal. C'est de collectionner en fait une centaine de cartes. Donc le site se découpe en 9 albums d'investigation, de 11 cartes chacun. Et chaque carte révèle un témoignage vidéo inédit ou un document exclusif. Alors je vais vous parler des thèmes, comme ça on les explorera au fur et à mesure. Mais il y a les matchs truqués, il y a les barbous et espions, il y a big business, paillettes et sponsors, sociaux et réseaux, agents et mercato, FIFA et UEFA, addiction et dépression, stats et techno. Voilà, donc au démarrage, en fait, il faut juste s'inscrire hein, comme un compte classique et on reçoit un paquet de 5 cartes. Donc on les regarde, c'est un petit peu au hasard. Et après, pour en gagner davantage, en fait, le principe, c'est de partager avec d'autres joueurs en ligne, donc soit Facebook, Twitter, soit SMS. Soit encore, pour ceux qui ne sont pas aussi assidus, on peut attendre toutes les 24 heures. Le principe, c'est qu'on nous redonne un paquet, ce qui permet déjà un rappel. C'est-à-dire que le lendemain, on se retrouve avec son petit cadeau de cartes Panini, enfin qui ne sont pas Panini, mais sur le principe. Et après, en fait, on devient un peu addict. C'est-à-dire qu'il y a des petites interventions de 2 minutes, la plupart du temps. On va peut-être en choisir une bientôt, mais sinon, pour aller jusqu'au bout, il y a aussi des histoires un peu plus longues qui sont formées par 4 cartes. Et là, en effet, on a envie de savoir un petit peu ce qui va se passer. Alors d'après ce qu'on comprend, vous faites bien d'utiliser le terme de carte Panini. Il s'agit plus de constituer une collection que d'un véritable jeu de cartes avec lequel on va pouvoir éventuellement gagner une partie ou autre chose. Oui, et puis ils ont repris en fait le principe des cartes bronze, argent et or qui sont plus difficiles à échanger. Et donc c'est vrai que l'idée c'est de finir la collection et d'avoir ces cartes un peu rares pour la finir. Donc il y a tout un forum aussi, il y a un mercato dans le jeu où on peut échanger ses cartes et certains sont vraiment très assidus et proposent beaucoup d'échanges. Il y a un forum qui est assez bien fait et assez intéressant, voilà, donc j'en ai suivi quelques-uns. Mais c'est vrai que on pourrait peut-être... prendre un exemple pour démarrer. Mais oui, allez-y, il faut signaler à nos auditeurs qu'on a ouvert, nous, en studio, votre propre compte. Donc on découvre, nous, les images ici de votre collection, et vous allez choisir parmi votre collection peut-être un exemple d'un témoignage, d'une petite enquête pour illustrer votre propos. Coach, oui, vous vouliez rajouter. Combien de cartes notre invité a-t-il dans sa collection? Alors, pas tant que ça. Je dois avoir une trentaine de cartes sur la centaine qui existe. On peut peut-être écouter ce... Alors là, on est dans la section... je crois que c'est Barbouze. Ça s'appelle le dépoussiérage. Et c'est Antonino Manizzi qui, on va le voir, est un directeur en fait d'une agence de contre-espionnage en fait dans le foot, qui est chargé d'enlever les micros, de voir si il y a pas d'espions potentiels qui pourraient révéler des futurs transferts ou des éléments compromettants. On écoute Antonio Manizzi. C'est parti. Le monde du foot, c'est comme une industrie. Donc, ils ont les mêmes besoins que mes clients ou autres qui sont dans le business. Il y a de la vente, il y a de l'achat, à négocier, il y a des gros montants, il y a des enjeux financiers importants et politiques parfois même. Donc, on se retrouve vraiment dans le même environnement qu'un business. Lambda. On a aussi fait des contre-mesures électroniques. Donc les contre-mesures électroniques, c'est du dépoussiérage. Dans le jargon, c'est la détection de caméras et de micros espions dans des clubs de foot. On en a fait deux. Deux clubs de foot français. J'imagine que dans le cadre d'une transaction, je pense à un investisseur qui souhaitait racheter un club, dans le cadre de négociations ou... On n'a pas été mis au courant du contexte. On nous a simplement sollicité pour aller s'assurer que l'environnement n'était pas piégé. Il y a eu des fuites, donc des informations confidentielles qui ont été discutées dans des locaux bien précis. Et a priori, des discussions qui avaient eu lieu dans ces locaux-là se sont retrouvées ailleurs. Donc il y a eu des fuites à ce niveau-là. Et il semblerait que l'environnement était safe au niveau des personnes. Donc il fallait s'assurer qu'il n'y ait pas de moyens électroniques engagés. C'est simple, je vous demande des informations sur les locaux, des poussières, donc les mètres carrés, l'environnement. À partir de là, je vous fais une offre, vous validez, je vous envoie un ingénieur. Et voilà, donc il a du matériel, donc on a 200 kg de matériel, qui permet aussi de scanner des bandes gouvernementales. Donc à partir de là, on est en mesure de savoir si vous n'avez pas un micro ou une caméra installée. On a la possibilité aussi de faire cette contre-mesure au niveau des appareils de téléphone et des portables et des GSM. Et on fait aussi donc l'informatique. Alors, on vient d'entendre Antonio Manizzi dans la catégorie barbouze et espion. Hein, c'est là qu'intervient votre carte. Voilà, du coup, il y a plusieurs reportages de ce type-là. Et en fait, c'est vraiment des entreprises qui sont aussi spécialisées en fait, dans le nettoyage de la toile de comptes de joueurs et de comptes de clubs. C'est-à-dire que quand un joueur est sali par une affaire, il nettoie les comptes pour en fait abonder en positif pour éviter que dans le référencement Google, on retombe sur ce type de mauvaise pub, on va dire. Surtout dans le cas d'un futur transfert, et c'est en général comme ça que les clubs les appellent, juste avant de transférer des joueurs pour vraiment cleaner leur réputation. Mais alors du coup, pour revenir sur ce témoignage précis, c'est des entreprises qui travaillent exclusivement dans le domaine du football ou qui ont aussi d'autres domaines d'intervention Là, apparemment, c'est uniquement le football. Ouais. Ouais. Alors, j'avais une autre question à vous poser d'ordre technique, parce que nous, on a un extrait vidéo hein, en studio, ici, je le rappelle aux auditeurs. Le son suffit à la compréhension, bien sûr, du témoignage, mais il y a un petit point d'interrogation qui apparaît en permanence sur l'écran. Je voulais savoir si vous aviez exploré ce petit point d'interrogation. Alors non, je... Vous pensez à quoi exactement? Eh ben alors sur la vidéo qu'on vient de voir, il y avait un petit point d'interrogation qui clignotait. Je ne sais pas si c'était peut-être une source d'information supplémentaire sur le témoignage. Alors si, il me semble que en fait c'est quand une carte est or, bronze ou argent, il vous rappelle que cette carte-là ne peut être qu'échangée à un seul joueur. Donc l'or un joueur, l'argent 5 et le bronze 10. D'accord. Et du coup, c'est là où ça limite un petit peu le partage et que ces cartes deviennent rares à échanger. Voilà, donc je pense que c'était ça le point d'interrogation. D'accord. Coach, docteur, est-ce que vous avez des premières remarques à faire sur ce jeu, hors-jeu, proposé par le média Arte? Moi, ça m'a fait penser à Ghostbusters. C'était assez sympathique comme petite intervention. Film que je n'ai hélas pas vu, mais bon, j'en ai pas mal entendu parler. Film excellent, bien joué. Il revient, d'accord, très bien. Et c'était assez intéressant. Mais j'avais envie de poser une question à Gilles, c'est en fonction de quels critères on échange des cartes? C'est-à-dire que vous parlez en fait de SMS, de Twitter, mais c'est-à-dire qu'on rencontre en fait des gens qu'on ne connaît pas, auxquels on demande des cartes et en fonction d'affinités on leur donne comment ça fonctionne cet échange là parce que c'est assez mystérieux pour moi qui ne connais pas bien les réseaux sociaux. Oui non, mais j'ai envie de dire c'est un peu comme dans la cour d'école, c'est ce qui nous manque, on va aller le chercher et donc on propose à ceux qui ont ces cartes d'autres cartes qu'ils n'ont pas. C'est vraiment un échange standard. Et en effet, il y a des cartes qui sont plus prisées. Après, il y a des thématiques qui, je pense, intéressent davantage certains auditeurs, certains joueurs. Moi, je me suis vraiment baladé un petit peu au hasard. Hein. Je ne suis pas un spécialiste d'aucun domaine, et donc c'était assez intéressant, surtout qu'ils ont pas vraiment ils ont laissé parler les gens. C'est un petit peu ce que je les ai entendus raconter, ça, enfin les journalistes et les deux journalistes qui ont fait ça, c'est qu'ils ont pas forcé les gens, c'est à dire qu'ils ont vraiment laissé la parole se libérer, et il y en avait beaucoup qui avaient des choses à dire. Alors on peut enchaîner sur ce qui a vraiment fait un buzz sur la toile, à savoir l'intervention d'Emmanuel Petit, que vous avez peut-être... Qui se posait la question de savoir si la France avait réellement gagné. Voilà. Alors, est-ce qu'on met l'extrait? Est-ce que ça... Allez, on l'écoute, va faire plaisir au docteur. Ça m'interpelle, cette réflexion-là. Ça fait maintenant quelques semaines que je me dis, est-ce qu'il y a nous en 98, est-ce qu'on a vraiment gagné la Coupe du Monde? Je me pose la question maintenant, aujourd'hui, moi. Est-ce que c'était pas un petit arrangement? J'en sais rien, moi. Nous, sur le terrain, on se défonçait. On se défonçait vraiment contre nos adversaires, on faisait tout pour gagner, on se préparait pour. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'en suis arrivé à me demander ça. Je me dis, à l'image de ce que j'ai vu au Mondial brésilien, le premier match Brésil-Croatie, excuse-moi. Hein? C'est un peu chelou quand même. Hein, je me dis... Des fois, ça me fait flipper. Des fois, je me dis, si je suis pas trop en train de devenir paranoïaque, est-ce que je suis pas en train de me dire, mais est-ce qu'on n'a pas été des marionnettes? On a toujours été uniquement et seulement que des marionnettes. Faites marcher l'économie et le reste, ne vous en souciez pas. Aujourd'hui, je me pose la question. Est-ce qu'on a vraiment gagné la Coupe du Monde 98 Moi, je pense que oui. Hein. Nous, en tout cas, nous, les joueurs, on a tout fait pour. Hein. Après, je ne sais pas s'il y a eu des trucs ou pas, j'en sais rien, mais c'est une question que je me pose. Ça fait 17 ans qu'on a gagné la Coupe du Monde et ça fait quelques semaines que je me pose la question. Ouais. Question légitime, j'imagine que se pose Emmanuel Petit. Après, c'est vrai que dans ce témoignage, il ne dit pas grand-chose non plus. Il se pose la question, voilà. Ben, c'est vrai que quand on revoit les images, notamment de son but à lui, où on a un Brésil complètement fantomatique, où personne ne défend, où personne ne court ni ne revient défendre, etc., où lui se retrouve finalement tout seul devant à marquer un but contre le gardien, alors que lui, finalement, ne monte jamais. C'est peut-être pas le seul but qu'il a marqué de sa carrière, mais presque. Il en a marqué un autre dans ce mondial, en tout cas. Sur cette séquence-ci, c'est soit le Brésil avait complètement lâché l'affaire, parce que c'était quand même déjà le troisième but. C'était la fin du match, mais c'est vrai que c'était... En tout cas, sur ce match-là, on peut se demander un petit peu ce qu'a bien pu faire le Brésil, en tout cas les jours d'avant, quoi. Je sais pas, ils ont dû manger un truc qui passait pas. Le coach, visiblement, se pose les mêmes questions qu'Emmanuel Petit et vous, docteur. Oui, c'est vrai que la rumeur a couru qu'ils avaient drogué cette équipe, bien sûr. On peut aussi se demander si Emmanuel Petit n'a pas été drogué par les réalisateurs du documentaire, étant donné la pièce avec peu de lumière dans laquelle il évolue. On dirait un petit peu une sorte de nouveau Francis Lalanne, cet Emmanuel Petit. Et c'est assez sympa, quoi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu un Francis Lalanne qui aurait quitté l'équipe de France. Alors il a aussi des grosses cernes sous les yeux. Hein. Là, on s'en rend pas bien compte à la radio, hein, en tout cas, à l'écran, il a l'air fatigué. Hein. C'est très, très impressionnant. Donc, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui a l'air vraiment d'être dans un doute profond, mais je ne pense pas qu'il soit dans un doute profond uniquement vis-à-vis de cette victoire en Coupe du Monde. Emmanuel Petit, c'est celui qui avait révélé les histoires aussi de tromperie avec les femmes de footballeurs, toute une affaire, voilà, donc on ne va pas rappeler ici. Mais c'est un type un peu quand même inquiet. Je suis d'accord avec le fond de son discours, mais on aurait aimé quand même un peu plus d'argumentaire. Après, on peut peut-être aussi même pousser le doute jusqu'à douter de son doute, en se demandant s'il n'est pas en train de nous faire un bon exercice de communication, puisqu'il vient de quitter le service public, et peut-être que c'est grâce, finalement, à cette expression de doute, et donc cet art de la communication dont il a fait preuve, qui lui permet sans doute de passer sur une chaîne payante, je ne sais pas. Vous voudriez dire que, par exemple, la 5 avec Jean-Claude Bourré pourrait se relancer, une chaîne hautement, on va dire, reconnue pour ses connaissances en surnaturel. Oui. Et oui. Peut-être que du coup, il aurait été contacté par le nouveau projet de la 5. C'est ça que peut-être vous êtes en train de nous dire, coach. Soyons plus terre à terre, hein. Disons que l'équivalent un petit peu du paranormal de la 5, c'est le Canal Football Club. Hein. C'est vrai. Je vous propose, chers amis, de faire une petite pause musicale. Dire à nos auditeurs que nous allons continuer à jouer au jeu hors-jeu, peut-être dans la suite de cette émission. Pourquoi pas nous-mêmes découvrir un paquet en ouvrant un compte des bâtons d'Anguirou sur le média Arte. Mais en attendant, je vais reprendre la main sur la souris, mon cher Gilles, pour passer un petit morceau de musique. Une sélection musicale, c'est récurrent maintenant, c'est le coach qui nous a préparé ça. Et qui a décidé d'entamer cette émission avec une dénommée Brigitte qui veut allumer le feu. Sentir le vent qui se déchaîne, sang dans nos veines. Monter le son des guitares et le bruit des motos qui démarrent. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Il suffira d'une étincelle, d'un mot d'amour pour allumer le feu. Allumer le feu. Allumer le feu. Allumer. C'est derrière toutes nos peines, nos haches de guerre, nos problèmes. Se libérer de nos chaînes, lâcher le lion dans l'arène. Je veux la foudre et l'éclair, l'odeur de la poudre, le tonnerre. Je veux la fête et les rires. Je veux la foule en délire. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un contact. Il suffira d'une étincelle, d'un peu de jour pour allumer le feu. Feu de Johnny que le coach nous a proposé là par le duo Brigitte, qui a peut-être perdu un peu en, dans l'animalité de l'original, mais qui reste quand même très très sexy. Hein. Oui, et puis d'une certaine manière, c'est une reprise hein, qui a plus de coronesse hein, que la chanson de Johnny. Ouais. C'est votre avis, coach, je ne sais pas si c'est partagé sur le plateau. En tout cas, le slow que vous avez entamé avec le docteur en studio aurait fait frémir. La plupart de nos auditrices. Alors, on a deux choix qui se proposent à nous maintenant pour continuer cette émission. Docteur, vous allez peut-être pouvoir trancher. Soit nous ouvrons effectivement un paquet nous-mêmes de ce jeu hors-jeu, soit nous laissons notre invité Gilles naviguer dans sa collection. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, moi, je serais pour laisser Gilles naviguer dans sa collection, puisque moi-même, j'ai fait cette expérience donc il y a quelques jours. J'ai ouvert un paquet et voilà, j'ai déjà fait cette expérience-là. Donc voilà, si vous voulez par contre la faire vous-même, il n'y a aucun problème. Moi, je l'ai fait aussi. Donc, Il ne reste que le coach qui est un grand fan de Panino qu'il est. Il ira certainement ouvrir sa petite pochette en rentrant. N'est-ce pas, coach ? En tout cas, avant de continuer sur hors-jeu, ce qui vous a beaucoup vous excité cette semaine, docteur, c'est l'activité éditoriale brûlante qui a lieu en ce moment. Ah oui. Quelques jours, quelques semaines avant le début de l'Euro de football, ça ne peut être une coïncidence. De nombreux ouvrages consacrés au foot ou tournant autour du foot voient en ce moment le jour. Et quels ouvrages ? Oui, c'est vrai que en me baladant un petit peu dans les centres culturels divers et variés, type Virgin, Monoprix, parfois Super U même, j'ai découvert des livres de football que je ne trouvais pas dans l'étal de la librairie dans laquelle vous travaillez, mon cher Manuel, que je ne citerai pas, elle, par contre. Et c'est avec c'est grande tout à triste... votre honneur, mon cher docteur. Et c'est avec, avec grande tristesse que j'ai pu voir que j'avais failli louper quelques remarquables opus comme ceux notamment d'un certain Guy Carlier. Guy Carlier qui a visiblement écrit ou fait écrire un livre qui s'intitule « Qui veut la peau de Mathieu Valbuena-Croage » en reprenant le fameux épitaphe de Roger Rabbit. Voilà, juste un petit livre comme ça. Ensuite, j'ai vu d'autres perles. Le livre de Jean-Claude Darmon, « Le grand argenté du football », dont on parlera peut-être plus tard, ainsi qu'une biographie de Ronaldo. En fait, j'ai vu énormément de livres. Quelques-uns plus intéressants que d'autres, à vrai dire, comme un manuel de stratégie des cahiers du foot, que je n'ai pas pu consulter lui, puisque les surfaces, les centres culturels susmentionnés, eux, n'ont pas, ne m'ont pas permis de pouvoir regarder ce type de livres. Voilà. Mais il y a pas mal de livres comme ça. Et puis, il y a un livre dont, éventuellement, je pourrais vous parler plus tard ou maintenant, comme vous voulez. Parce que, finalement, il y a les livres qui sont parus, il y a les livres à paraître, et on peut... peut-être faire un petit peu d'autopromotion. On n'est pas à l'abri de ça, nous non plus, à des bâtons d'Anguirou, puisque nous avons... est-ce qu'on en a déjà parlé sur cette antenne ? Je crois que nous n'avons jamais parlé de ce projet éditorial ourdi par le préfet, qui était venu nous visiter une fois, et donc par les éditions Van Loo, qui a pour objet de présenter au grand public une version écrite d'une sélection de chroniques des bâtons d'Anguirou. Voilà, donc de tous les copains qui ont travaillé depuis 4 ans maintenant, puisque ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, voilà, à nourrir cette formidable émission qui parle de football, mais pas que, comme le dit le préfet dans sa préface. J'imagine, compte tenu de l'état de précision dans lequel se trouve le préfet globalement, qu'il y a une date formulée pour la sortie de cet ouvrage, mon cher docteur. Je crois que vous avez été, vous, en contact direct avec l'éditeur. C'est vous qui avez traité, qui avez parlé argent, qui avez parlé contrat. Ouais, j'ai parlé pas mal pognon avec le préfet et je pense qu'il va devoir en allonger pas mal, plus qu'il ne croyait sur la table. Mais voilà, pour l'instant, la date de sortie de ce livre, c'est ce qui est sûr, c'est qu'il va sortir le 9 juin, il sera sorti. Le 9 juin, il sera sorti, il sera dans les bacs pour une émission spéciale d'ailleurs de Des bâtons d'Anguirou. Et le lien est fait avec cette émission spéciale Footopie qui aura lieu donc en ce lieu même où a lieu l'enregistrement, c'est-à-dire à la Friche de la Belle de Mai. À la Friche de la Belle de Mai et qui sera diffusée sur les ondes amies de Radio Grenouille, sur lesquelles nous officions aussi de temps en temps. Et la transition est parfaite puisque pour cette émission Footopie, nous avons... pour l'instant subi nombre d'échecs quant à nos invitations à faire venir de grands chercheurs en sociologie et autres disciplines des sciences humaines, mais nous ne désespérons pas, d'avoir parmi nous ce 9 juin l'un des chercheurs qui a travaillé à cet ouvrage qui paraîtra lui aussi début juin, qui s'appelle « Football des nations », je crois, docteur. Oui, effectivement. On espère, même si tous ont dit qu'ils étaient extrêmement intéressés par nos projets, la saison universitaire fait qu'ils ne seront hélas pas disponibles pour voyager à Marseille. Voilà, mais on espère bien en trouver quelques-uns. Alors, ce livre s'appelle Le football des nations. Le sous-titre, c'est Des terrains de jeu aux communautés imaginées. C'est un livre d'auteur qui s'appelle Beau, Archambault, Gasparini, qui va paraître aux presses de la Sorbonne le 2 juin. Le premier, Stéphane Beau, il est connu pour son livre sur Knissa, notamment. Voilà, suivi d'un livre qui s'intitule « Affreux, riche et méchant », où il souligne un peu la défiance progressive qu'il y a envers les footballeurs. Une défiance qui n'échappe pas aux logiques de classe. Et finalement, en cas d'échec, eh bien, l'opprobre est jeté sur ce qu'on va appeler au final la racaille, dans un espèce d'accord médiatique général, en oubliant qu'en fait, bah, il s'agit de jeunes joueurs qui font une grève, qui se comportent en fait d'une certaine manière, mais sans forcément prendre en compte finalement l'environnement général dans lequel ils évoluent. Donc c'est vrai que ça fait partie des sociologues qu'on aurait aimé avoir qui dirigent ce livre. L'autre protagoniste de cet ouvrage, c'est quelqu'un qui s'appelle Archambault, qu'on avait reçu ici. Vous vous rappelez son prénom, Fabrice Archambault ? Je cherche. Fabrice Archambault, je crois, voilà, qui est historien, qui parle du foot italien notamment, et peut-être qu'on développera plus tard ces histoires de foot italien, puisque voilà, j'ai lu quasiment l'intégralité de ce livre avant même sa parution. Et oui, c'est comme ça. Et troisième comparse, c'est un certain Gasparini, qui est professeur à Strasbourg, et qui lui parle en fait de la question d'une nation européenne qu'il aborde concernant le football en fait. Alors, c'est un livre de lettrés, c'est les grands hommes, c'est nos universitaires qui se penchent sur un sujet sulfureux, en tout cas un peu toujours malodorant, qu'est le football. Je vous coupe, docteur, je crois qu'il s'agit de Fabien Archambault. Fabien Archambault, bien sûr. Excuse-moi, Fab. Et donc, voilà, c'est le problème de tous ces préambules sur le football, c'est cette idée de se justifier, finalement, avec ce sujet ignoble qu'on sort de la boue et dont il faut toujours voilà, dire que bon, bah, c'est un fait, un phénomène social extrêmement important qu'il s'agit d'étudier. Alors oui, mais ce serait bien d'arrêter de le dire en réalité, puisque c'est tel est le cas, et c'est pas la peine en fait de se justifier éternellement. Ça, moi, je trouve que ça pose quand même quelques problèmes. Voilà, il faudrait peut-être arrêter de légitimer des heures de végétation devant un écran vert à travers toujours cette idée voilà, de renouveler la pensée sociale. À part ça, c'est un livre qui est très instructif, qui tourne autour de la dialectique en fait, entre le foot professionnel et celui financé par les entreprises privées que sont les clubs. Et puis d'un autre côté, il y a l'utilisation par les nations de cette forte charge symbolique qu'est le sport numéro un dans le monde, le football. Et puis, un des regrets que j'ai eu en lisant quand même ce football des nations, c'est que c'est un football c'est un livre qui traite au final principalement de la grande Europe. En réalité, on va avoir l'Euro qui va arriver bientôt, et on s'aperçoit que le football est extrêmement européano-centré, puisqu'on, à travers différents chapitres qui vont évoquer les nations du football. En général, on va uniquement parler au final de l'Argentine et du Brésil. Donc on a tous les Européens, plus cet extrême Occident par lequel on qualifie parfois voilà, ce cône sud de l'Amérique latine. On aurait pu aussi parler par exemple de l'Uruguay ou du Chili, voilà, pour reprendre en fait toutes les éventuelles grandes équipes finalement qui ont fait le football jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'on laisse de côté un football en mutation qui moi me semblerait quand même assez intéressant, celui de la Corée et du Japon par exemple, celui des États-Unis de 1994, de l'Afrique du Sud, voilà, tous ces grands pays en développement, et quid de la Chine aussi ou de l'Inde. C'est vrai qu'on n'en parle pas, et ça c'est toujours un problème quand on parle du football des nations. Finalement ici on parle essentiellement du foot européen. Donc ça, c'était un des problèmes. Mon cher coach, est-ce que c'est pas un problème, je ne sais pas, c'est une question que je pose vraiment naïvement, que l'on pourrait reprocher finalement à la recherche en sociologie ou en sciences humaines en règle générale, cet européanocentrisme voilà, je pose cette question, je suis pas du tout convaincu de la réponse. C'est pas sur tous les sujets, et c'est vrai que le football comme sujet émergent, et notamment sujet qui échappe par exemple aux grandes universités américaines qui s'intéressent pas du tout au football en réalité, eh bien c'est vrai que c'est fait par les Européens, c'est étudié par les Européens, et une nouvelle fois c'est vrai que c'est très européano-centré, mais c'est aussi que finalement l'histoire du football est une histoire qui est très européenne. Après, au niveau de disciplines comme de la sociologie ou de l'anthropologie, même de l'histoire, on aurait aimé avoir finalement une vision du tiers-monde du football, de voir en fait quelles étaient les logiques notamment de construction nationale qui se développent finalement dans ces pays-là, parce que avoir un parallèle entre toutes les nations européennes est très très intéressant quelque part, même si, et ça c'est un des deuxièmes reproches que je ferai au livre, ça manque de raccord au final. C'est vrai que c'est des sociologues qui sont d'inspiration bourdieusienne pour la plupart, et au final on a une conclusion sur la construction européenne et qui manque de mordant, parce que nous ce qu'on aurait aimé c'est comprendre en fait les règles du jeu, les règles de ce jeu qui se joue en fait entre les clubs professionnels qui payent et les nations qui essaient de tourner, de tirer la couverture en fait vers elles. Coach, vous vouliez poser une question. Je voulais juste finalement un petit peu intervenir. Alors je pense qu'en fait, on est aussi finalement dans quelque chose qui est relativement traditionnel dans le cadre de la pensée et de la réflexion qui se porte sur un petit peu les phénomènes culturels et sociaux. C'est-à-dire que finalement, nous, on est dans cette pensée-là en Europe. Aux États-Unis, par exemple, ils sont dans les cultural studies. Et finalement, nous, c'est un petit peu aussi ce que fait notre émission. On est dans les football studies. C'est-à-dire on fait un petit peu le lien hein, entre la pensée anglo-saxonne et la pensée finalement profonde européenne, hein, celle qui vient des pays froids. Mais je crois surtout là que dans cette histoire du football des nations, c'est-à-dire que le football, que ce soit dans les ligues, dans la ligue américaine, dans la ligue indienne, dans la ligue japonaise ou dans la ligue chinoise, relève plutôt finalement de quelque chose qui est proche du modèle américain, qui est finalement un modèle qui est profondément capitaliste et qui est, à mon avis, pas justement nationaliste. Et si à partir du moment où on parle de football des nations, peut-être que justement on s'intéressera plus à des questions d'histoire qui sont des histoires qui ont marqué finalement profondément quelque chose qui vient de la terre même du terrain, plutôt que de quelque chose qui serait purement d'ordre capitaliste. Bien, vous défendez magnifiquement ce livre, mon cher coach, sans même l'avoir lu, et je trouve ça assez formidable, puisque vous arrivez tout de même à reprendre le sous-titre du livre, à l'expliquer, à le légitimer, chose dont j'étais bien incapable, puisque le sous-titre du livre est bien sûr « Des terrains de jeu aux communautés imaginées ». C'est exactement ce que vous êtes en train de me dire. Coach, une nouvelle fois, je vous tire mon chapeau. Mais je ne suis quand même pas d'accord avec vous, mais ce n'est pas grave. Alors on va continuer cette émission, si vous le voulez bien, en retournant vers vous, mon cher Gilles Desplanques, pour ce fameux hors-jeu. Est-ce que vous souhaitiez nous faire partager un nouveau petit document ou poursuivre sur votre explication de ce jeu passionnant? Alors, pas forcément, mais en fait, vous parliez tout à l'heure de Guy Carlier. On n'aurait pas un petit passage avec Guy Carlier? Est-ce que c'est le moment de l'envoyer? Tout à fait. Alors on a parlé de Guy Carlier, on a parlé de Jean-Claude Darmon, on a effectivement sous le coude deux extraits qu'on peut diffuser maintenant. Je vous laisse choisir, moi, entre Guy Carlier et Jean-Claude Darmon. Quand le docteur éventuellement et le coach seront un peu plus attentifs, on pourra effectivement faire des choix, des vrais choix dans cette émission. Alors Guy Carlier ou Jean-Claude Darmon pour poursuivre sur cette actualité éditoriale? Je pense que ce serait bien quand même de donner la parole en premier à Guy Carlier. Qui est quand même un homme de poids. Allez, ben on écoute. On n'est pas forcément content du montage qui va venir, mais on va quand même l'écouter. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes humoriste, sniper, franc-tireur. Vous avez été chroniqueur avec Marc-Olivier Fogiel, dont on ne peut pas plaire à tout le monde, mais également à la radio. Vous avez délaissé un temps l'audiovisuel pour monter sur scène, seul avec un one-man show, ça s'appelait Ici et Maintenant. Votre autre passion, c'est le football. Vous avez des billets, un billet hebdomadaire dans France Football, et ce livre qui vient de sortir, ça s'appelle « Qui veut tuer Mathieu Valbuena ?» Point d'interrogation. En deux mots, pour les gens qui ne le connaissent pas, qui est Valbuena ? Valbuena est un joueur, un petit joueur, par la taille, grand par le talent, qui m'a fait penser, quand je l'ai vu jouer, à un poème de Monterland qui s'appelle « Un ailier est un enfant perdu ». Voilà, il ressemble à un enfant perdu. Des ailiers, il y en a beaucoup. Des bons joueurs, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui vous a décidé d'écrire un livre sur Mathieu Valbuena ? Je vous ai dit que quand je l'ai vu jouer pour la première fois, j'ai pensé que c'était un enfant perdu. Et une deuxième fois, au mois de septembre 2015, quand je l'ai vu rentrer sur le stade Vélodrome de Marseille, où il avait joué pendant 8 ans, où il avait été adulé par les supporters. Là, il jouait avec le maillot lyonnais. Il a levé les yeux vers cette tribune qu'il avait, c'est ce cop qui l'avait acclamé, et s'est vu pendu en effigie. Et là, dans ses yeux, c'était vraiment des yeux d'enfant perdu, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire de la sextape? Parce que c'est pour ça qu'on a parlé de Mathieu Valbuena. C'est ouais. Qu'il y a eu une affaire qui ensuite a ricoché sur Karim Benzema. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Alors, je n'ai pas écrit le livre, je l'ai écrit avant l'histoire de la sextape. Mais du coup, cette sextape nous amène... Le livre s'appelle « Qui veut tuer Mathieu Valbuena ?» En fait, c'est « Qui veut tuer le foot ?» Le foot a changé, le monde a changé. Et ce qui se passe avec Mathieu Valbuena et Benzema, je dirais que c'est la France qui pue, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive entre les défenseurs de Valbuena et ceux de Benzema, à ce qui... qui sent pas bon en France aux excès nationalistes ou communautarisme. Je m'explique, Mathieu Valbuena est maintenant considéré comme le joueur qui a fait exclure Benzema de la sélection. Il rentre l'autre jour à Lyon en cours de match, donc dans son club, dans son stade, il se fait huer par une minorité pro-Benzema. Il y a à Lyon tout un centre de formation avec beaucoup de mômes des quartiers, comme on dit, et donc il y a beaucoup de supporters aussi. Et à mon avis, Valbuena ne pourra pas jouer en France l'année prochaine, parce que dans chacun des stades, il sera l'ennemi de ces gens-là. Contrairement à ce que je pensais, j'ai découvert en vous lisant que c'est pas sa femme sur la sextape. Non, c'est pas sa femme. Je l'ai appris grâce à vous. Ben oui, alors, oui, parce qu'il faut être honnête quand même. Il faut être honnête. Bien sûr que Benzema a déconné avec ses liens. Évidemment qu'il n'a pas, lui, une part active financière dans le truc, il s'en fout. Mais il a gardé les liens, il veut donner des gages aux cités, enfin, etc. Vous voyez, on voit bien le truc. Tout le livre, vous l'avez dit, n'est pas sur Mathieu Valbuena. Vous parlez beaucoup du football en général. Également, vous n'êtes pas tendre avec d'anciennes gloires. Par exemple, Platini. Dis donc, waouh, vous allez fort. Hein. Bah, c'est-à-dire que j'écrivais, non mais... Platini, vous devenu savez... un gros par-dessus, grenouille avec volupté au cœur des luttes de pouvoir à la FIFA. Il a touché des fortunes pour des études bidons. Il est un familier des sociétés écrans, des paradis fiscaux, etc. On a juste envie de pleurer. Oui, on a juste envie de pleurer parce qu'il nous a fait rêver. Vous savez, moi, à une époque... Je ne pensais pas que les Beatles étaient payés. Je ne pensais pas que Platini était payé. Bah oui, quand on est môme. Putain, le mec, c'est Platini. Il met des coups francs, il fait des ouvertures de 40 mètres dans les pieds. Les Beatles, ces mecs arrivent, bonjour, on a composé Yesterday. Bah, tout le monde les aime, le monde entier. Tu ne penses pas qu'il y a des histoires de contrats, etc. Et là, j'écrivais ce livre... J'entends l'histoire de la condamnation donc définitive de Platini et je dis putain Platini quoi, c'est le premier truc qui me vient et dans le bouquin j'écris putain Platini. Exactement. Tu salis nos rêves de môme. Vous avez une tendresse pour les arguments contre la taille, contre la petite taille de Valbuena et vous faites le lien entre la taille et le poids. Oui, bah oui, parce qu'il y a une scène, je parle d'une scène qui m'a vraiment heurté à Canal+, où ils se sont moqués, c'était un débrief de match, et on voyait en demi-écran les joueurs sortir du stade. Les gens se marrent dans le public, et Pierre Ménès dit « Ah bah il y a Tintin qui a perdu son Milou ». Et puis, ils commencent à se moquer, et on se moque du petit. J'ai appelé Pierre Ménès pour le prévenir que j'allais quand même parler de cette scène-là, qui m'avait vachement choqué, et il me dit « Mais c'est le public qui a ri ». Et on a tous été pris d'un fou rire, y compris Hervé Matou, qui est le gendre idéal, tu sais, qui est pas bon, et qui est pas parvenu à contenir son fou rire. Et là, je me suis dit, merde, donc on rit d'un petit. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas ri d'un noir. Il est politiquement incorrect de rire d'un noir, d'un gay, mais un gros ou un petit, t'as le droit. Et je me suis dit, Ménez, c'est l'obèse qui se moque du nain. Donc, ça devient surréaliste, quoi. Guy Carlier avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Guy Carlier était avec nous aussi sur Radio Galère pour des bâtons dans Guirou. Grâce à nos confrères de France Info, je découvre, grâce à Philippe Vandel, qui a peut-être probablement autant de cocaïne sur France Info que sur Canal+, à la grande époque. Mais c'est à peu près tout ce que je retire de cette interview. Vous avez été particulièrement attentif, cher collaborateur, à cet entretien. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Coach, vous avez la bouche pleine. Non, moi j'ai trouvé que ce Guy Carlier, ça fait plaisir qu'il soit encore en vie, parce qu'on ne peut pas souhaiter la mort des gens de toute façon, hein. Ça ce serait quand même malvenu. Après, il a une lecture de l'affaire qui est assez misérabiliste avec Valbuena. Comme nous le disait coach en antenne, puisqu'on discutait quand même des propos, hein, bien sûr, qui étaient tenus par Guy Carlier. C'est Valbuena, c'est aussi un type qui vient des cités comme Benzema. Voilà, il n'y a pas non plus à faire de distinguo entre ces deux types-là. Puis je ne sais pas si faire un livre là-dessus, c'est très intéressant au final. Après, voilà, c'est juste un léger point de vue. C'est peut-être intéressant financièrement avant l'euro. Je pense que ce n'est pas étranger au projet du préfet non plus, d'ailleurs, hein. d'essayer de se faire du beurre pendant l'euro, en utilisant des chroniques formidables écoutées pendant 4 ans. Mais bon, c'est parfois, hélas, assez louable en un sens, le nôtre, et puis assez déloyal de la part de Guy Carlier. Coach. Non, mais c'est-à-dire que après, il y a cette affaire de la sextape, mais Valbuena, c'est quand même quelqu'un qui a toujours un petit peu stigmatisé la critique, alors pas tellement à cause de... Bon, là, il parle surtout de son histoire de petite taille, etc. Mais enfin, je veux dire, Je vois pas tellement l'intérêt de parler de ça. Ça reste finalement de la moquerie assez basique, quoi. On est dans la cour de récré. Mais par contre, Valbona, c'est quand même quelqu'un qui a toujours un petit peu stigmatisé les critiques. Enfin, c'était l'un des joueurs les plus détestés aussi des autres joueurs du championnat de France. Hein, il n'a jamais, alors même au meilleur de ses bonnes années à l'OM, où c'était un des joueurs qui faisait le plus de passes décisives quand même dans l'année, il n'a jamais été considéré ni mis dans les listes des joueurs potentiellement éligibles comme meilleur milieu de Ligue 1, etc. Parce qu'il était notamment détesté par ses pairs, qui lui reprochaient de simuler, de tomber. C'est vrai qu'il a tendance quand même beaucoup à manger du gazon, mais malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui est toujours un petit peu cristallisé, comme ça, quelque chose sur sa personne, et pas seulement parce qu'il s'est passionné pour le commerce des caleçons, mais c'est vraiment finalement quelqu'un qui a été un peu marginalisé d'une certaine manière, quand bien même il était au mieux. Moi, je trouve, je suis assez d'accord avec vous, coach, mais je trouve autre chose d'assez formidable dans cette intervention qui me paraît être assez aussi symptomatique de d'une sorte d'ambiance médiatique autour du football, c'est cette anticipation de Guy Carlier de dire que ce type-là ne pourra probablement plus jamais jouer en France puisqu'il va devenir l'homme qui a fait en sorte que Benzema ne participe pas à l'Euro. Et en fait, ce que je trouve d'assez exceptionnel, c'est de dédouaner la part de pression médiatique exercée par toutes ces radios, ces télés, des gens qui investissent des fortunes dans le football et qui auraient rêvé de voir Benzema à l'Euro. Et du coup, d'évacuer tout ça et de dire que, en fait, c'est la pression populaire qui, d'elle-même, va définir Valbuena comme le Judas du foot français. Je trouve ça assez beau, finalement. Il y a un renversement. Oui, tout à fait, je trouve aussi. Si on n'a rien à rajouter à cette affaire, ce qui me semble plutôt bien, on va rappeler à nos auditeurs qu'ils sont en train d'écouter Des bâtons dans Guirou, un nouvel épisode qui s'appelle Foot hors jeu. Notre invité est Gilles Desplanques et on a assez peu parlé de Gilles Desplanques en tant que tel. Moi, je trouverais ça bien, parce que d'habitude on le fait pour nos autres invités. Gilles Desplanques est entre autres directeur de la galerie Achaud qui sévit rue Fontange, quartier de la Plaine à Marseille. Une activité vraiment très honorable de galeriste, mais il est aussi artiste. Et peut-être, coach, vous pouvez nous dire deux mots de la production artistique de Gilles Desplanques, en dehors du fait que ce soit un des nouveaux spécialistes du fameux 1% culturel, et peut-être aussi développer ce que c'est que cette notion de 1% culturel qui fait du bien à nos artistes locaux. Bon, après, je pense que Gilles, en fait, il est il devient spécialiste du 1% culturel, mais de fait, je pense que c'était quand même peut-être inscrit dans son travail, puisque à la base, c'est quand même un constructeur. Donc c'est donc logique qu'en tant que constructeur, que ce soit constructeur de formes, de sculptures et de situations, soit logique qu'il se mette à construire des choses qui prennent de l'ampleur et qui donc s'inscrivent aussi dans un schéma social ou dans un schéma un peu plus public. C'est là qu'intervient le 1%. Après, c'est aussi le 1%, c'est aussi la possibilité d'avoir des financements pour des projets d'un peu plus grande ampleur en termes d'échelle et en termes de construction. Donc, alors, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre dans les deux sens. On va peut-être dire ce qu'est le 1% à nos auditeurs, parce que c'est quand même un jargon. Faites, mon cher Gilles. Particulier, en fait, c'est toute construction publique ou rénovation publique, notamment surtout les écoles, parce que c'est assez fréquent, les écoles, les collèges et les lycées. Il y a 1%, donc c'est la loi, hein, il y a 1% du budget global qui est destiné à une œuvre artistique pérenne. Voilà. Et donc, normalement, les conseils régionaux, généraux et les municipalités doivent faire respecter cette loi, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais quand ça l'est, en effet, ça bénéficie aux artistes. Il y a un concours organisé et le lauréat a une enveloppe conséquente pour faire une œuvre pérenne. en général, donc pour des publics divers. Mais en l'occurrence, là, c'était un collège pour ma part. Oui, et vous êtes sur un nouveau projet, je crois. Voilà, et une école primaire depuis qui sera au Rouet. Et ouais, donc je suis très content. On vous félicite, docteur. Oui, j'aimerais juste avoir quelques précisions. C'est-à-dire que c'est un dispositif légal inscrit dans la loi. C'est bien ça, mon cher Gilles, ou pas ? Tout à fait. Voilà. Et donc, vous avez été lauréat cette fois-ci, c'est ça ? Oui. D'accord. Et donc, quel est votre projet, en quelques mots, donc sur cette école du Rouet ? Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu, qu'on sache, si vous voulez insérer le noble art, le football à l'intérieur, ou pas du tout ? Alors, il va peut-être se prendre des coups de ballon. Donc, ce sera une sculpture qui sera placée au centre de la cour. Donc, c'est une école primaire. Et la particularité, c'est que c'est du bâtiment. Hein, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contexte de l'endroit où je suis invité. Et là, c'est le premier bâtiment qui est à énergie positive. Donc, il va rendre son énergie. Premier bâtiment public à Marseille dans ce cadre-là. Donc il y a 500 mètres carrés de photovoltaïque sur le toit. Et il y a toutes les normes pour conserver la chaleur ou le froid en été. Et donc le principe de l'œuvre, c'est une horloge en fait chromatique qui va diffuser en fait à la place des aiguilles de l'horloge. Ce sera trois panneaux translucides qui seront composés des couleurs primaires. Et donc c'est jaune, bleu et rouge. Et en tournant, en fait, ils vont se mélanger au-dessus de la tête des enfants. Donc c'est une horloge horizontale qui sera à 3 mètres de haut. Et qui mélangera les couleurs et donc aura une projection en fait changeante au sol, changeante à la fois en fonction du temps qui passe puisque c'est une horloge, mais aussi du temps qu'il fait puisque la courbe solaire dessinera une ombre portée colorée en changement permanent. Voilà. Bah écoutez, bravo à vous d'avoir été le lauréat, Gilles, de ce beau projet. Je vous propose de faire une petite pause musicale, la dernière avant de terminer cette émission. On va écouter une nouvelle sélection du coach. Je vous propose Dominica pour faire suite au témoignage de Guy Carlier. C'est ce que vous aviez prévu comme enchaînement. Puis qui préparera un petit peu aussi peut-être l'intervention de Jean-Claude Darmon. Allez, on va faire ça. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes humoriste, sniper, franc-tireur, vous avez été chroniqueur avec Marc-Olivier. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes humoriste. Alors il y a une petite erreur de fichier visiblement, donc on ne va pas pouvoir écouter Dominica, alors on va plutôt écouter nos amis de Vava. Alors je ne sais pas qui sont ou qui est Vava. Alors Vava, c'est un petit groupe français qui fait des chansons pour les enfants. Voilà. Alors c'est parti. Moi Billy le joyeux caniche, au football je suis le premier. C'est moi la star et le fétiche de l'équipe des petits frisés. J'ai de l'astuce et de la technique, quand j'ai le ballon c'est vite fait. D'un coup de papate énergique, je l'envoie au fond du filet. On la va balle, on court, on cavale, on tombe, on s'étale, on se relève et on met ça. Jusqu'à la finale, hip hip hip, hurra! Pendant que l'autre équipe s'épuise, je reprends le ballon, je le lâche plus. Boum, matin chien, waf waf, je vise et je tire en plein dans les buts. Mais y'a des adversaires féroces qui prennent le foot pour du catch. Ceux-là, on leur pique leurs menaces. Rendez-vous après le match pour la baballe. En cours, on cavale, on tombe, on s'étale. On se relève et on met ça. Pour la baballe, on court, on cavale, jusqu'à la finale. Hip hip hip, hurra! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la jusqu'à la finale. Hip, hip, hip, hourra. Tantan. Voilà, c'était Vava, Billy le caniche footballeur. Très belle sélection, mon cher voilà, coach. Voilà, ça s'enchaîne bien finalement avec Valbuena aussi. Bah oui. Alors, on a dit pas de blague sur la taille, pas de blague sur la capillarité. Non, mais le fait de se rouler par terre dans la pelouse. C'est ça, c'est vrai. Il n'est pas frisé, Valbuena. Non. Voilà. Et en même temps, il a les cheveux plutôt artificiellement raidis, je trouve. Hein. Il y a du gel. Il y a beaucoup de gel chez Valbuena. Oui, il part hein, en diagonale. Hein. Ouais. C'est vrai que c'était ça qui était agaçant quand même beaucoup chez Valbuena. Hein. Je trouve qu'il le fait un peu moins quand même depuis quelques années, mais sa faculté à être justement renversé, hein. Ça veut dire qu'il y avait souvent faute sur lui. Il a quand même pris pas mal de taquets. Ah, il était mal aimé. Hein, mais en faire des caisses. Oui, vraiment, il en a fait des caisses. Alors, foot hors jeu, débattons d'Anguirou. Nous sommes actuellement un jour du 23-24 mai, je ne sais plus exactement, mais on est à peu près autour de ces jours-là. Notre invité, c'est Gilles Desplanques. Et Gilles Desplanques joue à un jeu sur Arte qui s'appelle Hors jeu. On vous en a expliqué, chers auditeurs, chères auditrices, au début d'émission, le principe. Et on va peut-être avec vous, Gilles, réécouter une petite carte de votre collection, un témoignage. Je ne sais pas ce que vous avez dans la main en ce moment, mais on a Jérôme Champagne. Voilà, Jérôme Champagne qui a été numéro 3 de la FIFA, très proche de Blatter, et qui a tenté à un moment une candidature. Hein. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais il me semble, hein, je n'ai pas non plus fait son CV. Mais, et donc, il témoigne là dans Hors-jeu. Il fait partie justement de ces personnes qui constituent en fait un panel de 4 cartes qui ont 4 interviews consacrées. Et voilà, on va en choisir une. Pourquoi la FIFA est en difficulté ? Je la lance. Pourquoi la FIFA aujourd'hui en difficulté ? C'est parce que la globalisation du football, comme la globalisation de nos sociétés, ont fait que le pourcent le plus riche a de plus en plus, ceux qui n'ont rien, ben ils n'ont toujours rien, et les classes moyennes sont écrasées. Et qu'est-ce qui a été, pourquoi moi j'ai travaillé, et je le dis avec fierté, pendant 11 ans à la FIFA, c'est parce que seule la FIFA est capable à la fois de réguler et de redistribuer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit bien que les seuls qui se réjouissent fondamentalement des problèmes de la FIFA sont ceux qui, pour des raisons politiques, économiques, voire criminelles, sont contents de voir l'organe central de la régulation du football avoir autant de problèmes. Alors maintenant, la FIFA n'est pas l'échec de la mondialisation. C'est le seul organe qui a autant investi pour rééquilibrer et redistribuer. Vous croyez que dans les fédérations, par exemple, le rugby, où les grandes nations ont 4 votes et que toute l'Océanie a un vote pour plusieurs nations, il n'y a pas beaucoup de développement. Pourquoi la FIFA est si forte ? Parce qu'elle a un principe, une fédération, une voix, ce qui la force à faire du développement. Voilà un discours bien louable de la part d'un des hauts membres de la FIFA. On est un peu sceptique quand même. Oui, voilà. Ce qui l'est moins, c'est qu'on sait très bien que plein de nations sont achetées par les plus grandes. Enfin, les plus petites nations sont achetées par les plus grandes et que ce qu'il évoque pour le rugby revient au même, mais en dessous de table. Donc voilà, après, il continue à donner d'autres informations, on va dire, pas forcément, pas de révélation. Hein, je pense qu'il a quand même envie de continuer une carrière dans ce domaine. Donc voilà, il y a aussi la limite de l'investigation, à savoir ce que veulent bien en dire les interviewés. Est-ce que, voilà. C'est-à-dire que oui, parce que le système de témoignage, finalement, est assez proche d'un système de micro-trottoir. C'est-à-dire que l'investigation, finalement, elle se porte quand même malgré tout, et c'est là où elle est louable. C'est-à-dire qu'elle se porte sur une sélection de personnes interviewées. Et c'est là que l'enquête est faite, finalement, dans ce panel de gens qui, finalement, dont la complexité du football va transparaître à travers finalement l'accumulation de ces reportages qui va construire un ensemble. Après, effectivement, c'est peut-être que si on prend chacun de ces documentaires de cette bibliothèque transformée en jeu de société, peut-être qu'effectivement les choses peuvent être mises en question, mais il faudrait réussir à avoir une vue d'ensemble finalement de la centaine de petites paroles données. Voilà. Et finalement, Et je pense que c'est là tout l'enjeu, mon cher Gilles, qui vous échoit. Hein. Il faut absolument que vous nous récupériez les sans-fiches. Oui, et que nos auditeurs jouent pour en savoir plus. Mais en fait, c'est ça, hein, ça a aussi vocation d'avant-goût. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de reportages où on a envie d'aller chercher derrière ce qui sont ces personnes et pourquoi ils révèlent ça et qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc à chacun de faire son histoire et son investigation au final, parce que c'est vraiment des courts extraits et je trouve que le format est plutôt agréable. C'est en général, on est entre 1 minute 30 et 2 minutes 30. Voilà, donc voilà, c'est un ça, ça suscite la curiosité. Exactement. Oui, et puis il faut noter tout de même que les accusés ont droit à leur défense. Celui de la FIFA est toujours le même. Un système de défense qui met en jeu finalement... notamment une rivalité avec l'UEFA qui détient les droits de la Ligue des Champions. Et c'est vrai que voilà, la FIFA se défend en disant non, nous on œuvre pour le développement, tandis que les Européens, UEFA en tête, eh bien, misent uniquement finalement sur la mainmise de l'Europe sur le football mondial. C'est un argument qui n'est pas complètement faux, en réalité, il faut quand même le noter. C'est-à-dire que l'UEFA n'est pas une organisation beaucoup plus intéressante non plus au fond. Chers amis, poursuivons et terminons cette émission avec peut-être encore quelques informations sur l'actualité littéraire récente. Mon cher docteur, de quoi avions-nous envie de parler ? Alors, je crois qu'on avait envie de parler de deux petites histoires. Deux petites histoires de football. Et il me semble que là-dessus, mon cher Manuel, vous aviez envie de nous évoquer un document, un livre pour être plus précis. Voilà, que donc vous allez peut-être nous faire l'exégèse. Oui, rapidement, hein, je ne vais pas non plus complètement décrire cet ouvrage, mais en parler un peu et peut-être soulever quelques questions aussi à partir de cet ouvrage. C'est un ouvrage qui s'appelle Débordement, sous-titre Sombre histoire du football 1938-2016, qui a été écrit à Troyes par Olivier Villepreux, Samy Mouhoubi et Frédéric Bernard, avec une préface du même William Gasparini, qui est un des trois co-directeurs de l'ouvrage dont vous avez parlé tout à l'heure. Aux éditions Anna Mosa, ce livre Débordement. Et alors, c'est un livre qui est assez passionnant, qui va nous raconter pas mal, allez, entre 12 et 15 histoires du football, des histoires un peu terribles pour la plupart, qui replacent quelques faits, quelques joueurs dans la grande histoire, puisque c'est un livre qui part du postulat de base que les sciences humaines, la sociologie et l'histoire notamment, doivent s'emparer de l'objet football. William Gasparini, dans son introduction, cite Pierre Bourdieu qui dit, dans un texte écrit à l'occasion du Mondial en France en 1998, « Il est toujours difficile de parler scientifiquement de football parce que, en un sens, trop facile, deux points, il n'est personne qui n'ait sa petite idée sur le sujet et qui ne se sente en mesure de tenir des propos qui se veulent intelligents. » En fait, l'idée de base donc, de cet ouvrage, c'est de dire qu'il faut replacer le foot dans un contexte bien plus large pour éviter que cette espèce de masse médiatique qui s'est emparée de l'objet football n'en fasse une histoire parallèle, une histoire à part entière, et que cet objet-là soit complètement déconnecté du reste du monde. Ils ont donc décidé de raconter un certain nombre d'histoires, je vais en citer quelques-unes, par exemple 1938, le but de la mort, Matthias Sindelar, Autriche, qui est l'histoire qui raconte ce joueur de foot autrichien qui participait à la grande équipe d'Autriche des années 30, qui a dominé l'Europe à cette époque-là, qui était surnommé le Mozart du football, et qui, au moment de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, a refusé de porter le maillot de l'équipe de l'Allemagne nazie, puisque l'Autriche n'avait plus d'équipe nationale à ce moment-là, et que ce joueur était censé intégrer l'équipe nationale allemande. Par exemple, cette histoire-là, une histoire aussi, et là on se déplace dans des pays dont vous vouliez parler tout à l'heure, mon cher docteur, du moins il vous semblait qu'il manquait à l'analyse pour être complète dans Football des Nations, la Corée du Nord, une histoire qui a eu lieu par exemple en 2010, quand la Corée du Nord fait le mondial en Afrique du Sud, et où il est raconté que l'entraîneur de cette équipe de Corée, qui a été un petit peu ridiculisé, c'est un bien grand mot, mais en tout cas ils n'ont marqué qu'un seul but et ils n'ont pas remporté le moindre point, je crois, dans cette Coupe du Monde, aurait été envoyé en camp à la suite de la Coupe du Monde, ainsi qu'un certain nombre de joueurs. Et il apparaît que, en fait, l'analyse qui est faite dans ce court texte, c'est que il s'agirait aussi d'une sorte de propagande occidentale à l'encontre de ce pays, certes obscur, mais en tout cas bien méconnu, qu'est la Corée du Nord. Voilà, un certain nombre d'histoires comme ça, et c'est vraiment intéressant, c'est assez passionnant, même pour les non-amateurs de football, je pense. Mais cependant, cet ouvrage soulève chez moi plusieurs questions. C'est d'abord la légitimité des auteurs. Olivier Villepreux a été journaliste à L'Équipe puis à Libération. Samy Mouhoubi est journaliste indépendant qui a travaillé au Parisien, au Monde et à François. Et Frédéric Bernard, le troisième co-auteur, est chiropracteur, comme Didier, votre ami, mon cher docteur. Exactement. Or, ces trois auteurs-là, qui n'ont aucune formation en sciences humaines, en histoire, en sociologie, en anthropologie, je ne sais, font un ouvrage qui est censé se fonder sur la réappropriation de l'objet football par ces mêmes sciences humaines. Et voilà, je lève un petit peu un doute là-dessus. Et puis aussi, finalement, ces histoires, elles ont beau être passionnantes, je ne crois pas qu'elles usent d'une méthode, à défaut d'être universitaire, du moins scientifique quelconque, sinon qu'elles sont des belles histoires replacées dans un contexte historique un peu plus large. Mais voilà, je trouve que l'introduction et le propos de base ou le postulat de base est un peu pompeux, et que finalement, il n'y avait pas besoin de ça pour en faire un bel ouvrage d'histoire sur le football. Bah, moi, je pense que l'histoire, on le sait, est quand même en général l'histoire des vainqueurs. Donc il faut bien savoir que, quel que soit le promoteur de l'histoire, même si c'est les sciences humaines, la discipline historique des sciences humaines qui la met en œuvre, c'est une vision des choses qui n'est jamais objective. Elle est certes fondée sur énormément d'arguments, sur des bases qui sont en général les archives, les confrontations d'archives, les confrontations de sources, mais en réalité, elle est toujours subjective. Alors, moi, je ne vais pas de but en blanc ôter ce droit-là à des gens qui n'ont pas cette formation-là de faire de l'histoire. Après, s'ils la font avec des sources, etc., il n'y a aucun problème à cela. C'est toute cas, la question. Hein, c'est le cas, c'est assez référencé, et c'est plutôt bien fait et bien écrit. Hein. J'ai passé de moments agréables et intéressants à lire cet ouvrage. C'est toute la question, et c'est en même temps le drame de la discipline historique depuis un certain temps, essaie de quitter finalement le champ théorique. Et ça, c'est dramatique aussi, je trouve, puisqu'on le voyait, et c'est quelque chose que je reproche quand même un petit peu à ce livre de sociologie, pour reprendre le livre sur lequel je travaillais, sur le football des nations, c'est de ne pas nous proposer finalement d'analyse généralisée. C'est-à-dire que le propos derrière est assez vide. Alors ces petites histoires, aussi légitimes qu'elles puissent être, toute la problématique, c'est de pourquoi sont-elles là, finalement, effectivement, si c'est des contes pour enfants, si c'est des petites histoires amusantes, c'est vrai que d'autres médias sont peut-être plus aptes à faire ça, puisque c'est, en général, c'est vrai que le livre, en général, a cette capacité, finalement, à ce que celui qui le lit prenne le temps de l'analyse et puisse finalement se faire sa propre idée. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, je ne suis pas contre comme ça, mais quel intérêt ? Finalement, la question peut se poser de l'intérêt du football comme objet pour les sciences humaines aussi, finalement. Est-ce que c'est un objet si intéressant que ça ? Bah, a priori, on peut partir du principe que tout est n'importe quoi de ce qui relève finalement de la vie et de l'existence même de l'homme est un sujet d'étude pour les sciences humaines. Que ce soit le football ou finalement la qualité du papier toilette qu'on utilise. Je veux dire, tous les sujets, a priori, sont bons et sont censés finalement parler quand même de l'homme d'une manière ou d'une autre. Après, c'est toujours la même chose. C'est qu'à un moment donné, c'est pas tellement le sujet, c'est aussi la manière dont on s'y prend et surtout la manière dont on l'introduit. Peut-être que là, sur ce livre-là, c'est la manière dont il est présenté, dont il est introduit, qui finalement est trompeuse, puisque ça voudrait parler de sociologie, alors qu'en fait, il s'agit simplement, finalement, de raconter des histoires, ce que des journalistes font, finalement, en permanence, et que là, on les retrouve assez bien dans leur rôle, et pas dans le rôle de sociologue. Ni d'historien, a priori. Oui, non, mais c'est le problème de la vraie histoire, et puis du sujet. Il n'y a pas de vraie histoire, quand même, ça, il faut quand même bien le dire. Hein. Il y a une histoire qui est faite par celui qui l'écrit. Et c'est vrai que pour en revenir aussi à un autre ouvrage qui va sortir bientôt, est-ce que le football peut être un sujet ? Oui, à la manière de tout autre sujet, il est tout aussi louable, comme vous le disiez, que la lunette des chiottes ou ce qui se trouve en dessous presque. Et c'est vrai que nous, le livre par exemple qu'on va faire sur le football parle au final peu de tactique, de stratégie, voilà, on parle en fait de, on utilise un sujet pour partir ailleurs. Et je pense que c'est le principe, en général, de toutes les disciplines artistiques, quelles qu'elles soient, et même littéraires ou culturelles. Mais écoutez, c'est parfait, je crois, pour conclure cette émission, mes chers amis, que ce petit débat sur l'objet football comme sujet, puisque c'est ça qui nous occupe depuis 4 ans, donc j'ai ravi qu'on en arrive à la conclusion que c'est un sujet aussi intéressant que la lunette des chiottes ou le papier toilette. Ceci dit, je trouve que vous avez utilisé des exemples qui sont pour le coup extrêmement techniques, voire mécaniques. Oui, c'est vrai que j'aurais pu parler des rêves, de l'amour, de toutes ces choses qui sont aussi véhiculées par le football et qu'il ne faut pas oublier, certes. Vous avez raison, Manuel, de voir chez moi une forme de matérialisme technique et qui moi, parfois me nuit. Moi, personnellement, en fait, j'ai hésité à prendre en exemple, j'ai hésité entre Dieu et le papier toilette. Oui. Et le papier toilette me paraissait moins archaïque. Donc du coup, j'ai finalement donner ma préférence à la modernité. Gilles Desplanques, merci pour votre venue à Débattons d'Anguirou. Je reviendrai. Bah, ça, c'est avec plaisir, quand vous voulez. Vous savez qu'on fait un opéra foot, probablement, pour la fin de saison. On sait que vous avez une belle voix. Très bien, merci. Donc, vous serez sûrement parmi nous. Docteur, bonne soirée. Oui, bah, moi, je voulais quand même remercier Gilles de sa venue. On n'a pas eu Eric Cantona pour l'instant à l'émission. On a son équivalent sur le terrain et puis parfois un peu sur quelques photos un peu tronquées. Et ça fait plaisir. Eric Cantona serait un sosie de Gilles Desplanques, selon vous. Bah, écoutez, il avait déjà George Clooney comme sosie, je crois, dans votre quotidien familial. On vous prend assez régulièrement pour le beau Georges. Ça dépend du profil. Ça dépend du profil. Georges cloné, comme dirait Dundé. Et comme dirait Dundé, tout à fait. Qu'on salue Dundé, d'ailleurs, tiens. C'est pas souvent qu'on salue Dundé, donc on en profite. Salut Dundé. Non, mais je parlais du numéro 7, ah, Eric Cantona. Oui, d'accord. Surtout. Le col relevé et le port altier. Voilà, le port altier est toujours vers l'avant. Toujours vers l'avant et spectaculaire, comme Gilles Desplanques sur un terrain de football. Bonsoir coach, merci à vous. Bonsoir à tous. Voilà, tout simplement. On va se quitter avec un dernier exemple de votre sélection musicale. J'ai retrouvé Dominica, Les Menteurs. Je pense que ça nous convient bien. Il aurait pu écrire Les Imposteurs aussi. D'ailleurs, cette émission reprise de volée que nous n'avons pas encore commise sur cette antenne... ce soir. Et quand même, on a aussi un peu parlé de notre imposture, je crois, collectivement. Allez, à bientôt. Conter des histoires, ça je savais faire. Je savais tout dire et ne m'en privais pas. Oh, qu'un mot n'avait jamais brûlé mes lèvres. Ne m'avait tenu loin de qui que ce soit. De ces soirs propices à de grands mensonges, je visais d'en remettre et pas qu'une fois. Je crus bon de lui raconter n'importe quoi. Et sur ma voix j'ai senti passer de l'ombre. Qui garde la dent dure et flambe, se décommande alors les autres sont là. Pite, mal porté par la voix qui s'étrangle, seul chanter pourrait faire passer ces mots-là. Mais chanter ce soir-là n'aurait pas suffi. On sent bien quand on ne se relèvera pas. Nous en sommes donc restés à ne pas nous taire. Quand tout nous enjoignait à ne faire que ça. On sort devant nous, on ne voit pas grand chose. Ah, par filer droit, vraiment, je ne sais pas. Ah, d'ici non, promis, je vais te planter. Là, va, fais-le, c'est le premier qui le dira. Sembler comme on peut des bouts de ça et la faire. Un sort à ce têtu qui s'éparpille. Espérer mentir sans que nul ne sourcille. Oh, plus vite redire encore n'importe quoi. Vite redire encore n'importe quoi. Oh, plus vite redire encore n'importe quoi.